Certains ont des papas beaux et d'autres pas de papa du tout. Certains sont tristes, certains sont gays. Moi j'ai un papa à voler. Certains ont des papas qui grondent et d'autres sont au bout du monde. Certains sont lourds, d'autres légers. Moi j'ai un papa à voler. Certains ont des papas qui pleurent, certains aiment la ville, d'autres les fleurs. Certains rêvent de vivre en été. Moi j'ai un papa à voler. Certains ont des papas gâteaux, d'autres avec des gros biscottos. Certains aiment bien discuter. Moi j'ai un papa à voler. Certains papas rêvent de campagne, d'autres déplaceraient des montagnes. Certains aiment des racines carrées. Moi j'ai un papa à voler. Car mon papa il est trop fort, de l'équateur jusqu'au pôle nord. Il serait capable de pédaler, tellement il a de beaux mollets.